Pan, tu vas pas roter, ça me manque. Tu vas pas roter, s'il te plaît, avec de l'écho, puis une réverb de 6 secondes, 0,3, parce que ça me manque, en fait, quand tu rates pas, je te jure, ça me manque quand tu rates pas, je te jure, ça me manque quand tu rates pas, je te jure. Et soudain, je crie au voleur! Au Panoramix! Qu'est-ce qu'on a? Tu vas sampler quoi, mon pote? Eh ben, sample, ça peut te faire plaisir. Samplon, samplon 95. Je m'automarre, moi. C'est ça le compte de se faire chier, c'est s'automarrer, tu vois. Ouais. Ouais, je suis allé chez David ce soir, c'était cool. On a regardé Factor X, enfin, X Factor. Super, mec. X Factor, je te jure. T'entends ici, c'est génial. On s'est regardé X Factor, bah je peux te dire que. Oh. C'est. Waouh. C'est. It's just. Waouh. Fallait la monter sur. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir te mettre? Je sais pas si Ah, tu vas rigoler, mec. Ah, tu veux rigoler? Bah, tu vas rigoler. Tu veux rigoler? Bah, je vais te dire après que tu vas rigoler. Tu sais pourquoi tu vas rigoler? Bah, je vais te le dire.